L'héritage de Sans Patience, un raid aérien transatlantique par Abel Cibres. Première partie, le testament de l'oncle Régnier. Chapitre 1er, un testament original. En son étude de la rue Mazel, maître Henriot, notaire à Verdun dans la Meuse, compulsait un dossier quand, après avoir frappé, son premier clerc entra et prononça « Monsieur Jules Régnier, faites entrer !» dit maître Henriot avec une certaine vivacité. Le clerc s'inclina, disparut, et presque aussitôt revint, précédant le visiteur devant lequel il s'effaça. Puis, saluant de nouveau, il sortit en refermant discrètement la porte derrière lui. Jules Régnier était un homme de taille moyenne, ramassé et trapu, qui pouvait avoir de 30 à 35 ans. Ses gestes étaient énergiques et rares. Sa physionomie semblait rébarbative, quoique ses traits fussent assez réguliers. Il avait des yeux bruns, expressifs, dont les sourcils touffus se rejoignaient presque au milieu du front. Sous ses moustaches tombantes, il portait une barbe noire très courte. Les mâchoires étaient fortes et les pommettes saillaient un peu. Le front, assez large, était plissé de rides obstinées. Cet homme ne devait manquer ni de caractère ni d'intelligence, ni même de générosité. Mais tout en lui indiquait un violent, entêté et hargneux. Du reste, on lui donnait à Verdun le surnom caractéristique de Sans Patience. Maître Henriot fit quelques pas en devant de lui, lui tendit courtoisement la main et approcha un fauteuil. Puis il s'assit à son tour. « Monsieur Régnier, j'ai reçu de mon collègue américain, Jonathan Redwards, solliciteur à Philadelphie, avenue Girard, 42, la traduction du testament d'un de ses clients. Lucien Régnier. Mon oncle, s'écria Régnier. J'allais le dire. Lucien Régnier, votre oncle, décédé dans cette ville, en son hôtel de Market Street, le 5 septembre dernier. Je suis chargé de vous donner connaissance de ce testament. Et méthodiquement, maître Henriot avisa un dossier, en tira un pli, duquel il se mit à extraire avec précaution une feuille manuscrite, dont il commença à donner lecture, après avoir pris la précaution d'assurer sur son nez notarial des bésigles à branches d'or. Encore que ces préparatifs eussent été relativement courts, la figure de Jules Régnier s'empourpra. Ses traits se contractèrent, ses poings se serrèrent. Visiblement, il s'impatientait. Pourtant, il se fit une violence, qui devait être méritoire, pour ne pas se laisser aller à son naturel emporté. Il n'ouvrit pas la bouche, peut-être avait-il peur d'en trop dire. Enfin, maître Henriot commença. « Moi, Lucien Régnier, déjà âgé de 58 ans et 4 mois, pressentant ma fin prochaine, mais sain de corps et d'esprit, je crois devoir prendre ce jour mes dernières dispositions pour le legs de ma fortune. Je ne suis pas marié. Pour toute famille, je n'avais qu'un frère. Il est mort il y a 5 ans. Je n'ai pas eu d'amis. Mon seul héritier naturel est donc le fils unique de mon frère, Jules Régnier, qui n'a jamais quitté Verdun, où il doit être encore en ce moment. C'est donc à lui que je lègue tous mes biens, comprenant mon hôtel de Market Street à Philadelphie, plusieurs maisons de rapport sises dans la même ville, mes propriétés situées dans l'ouest et dans les environs de Sacramento, ainsi que ma fortune liquide, consistant en valeurs diverses et numéraires, le tout déposé en des banques de New York, Philadelphie, San Francisco et Paris, et dont on trouvera le détail en l'étude de Jonathan Redwards, mon avoué. Le tout s'élève à environ 6 millions de dollars. « Oh !» fit comme malgré lui Jules Régnier. « Lesquels ?» continua imperturbablement maître Henriot. « Lesquels reviendront après ma mort en toute propriété à mon neveu, Jules Régnier, après toutefois que celui-ci aura satisfait aux deux conditions qui vont suivre. » Le dit Jules Régnier, dit sans patience, laissa échapper un juron que le digne tabellion n'eut pas l'air d'entendre car il poursuivait ainsi sa lecture. Mon neveu est travailleur, énergique, franc, trop franc, généreux et même bon à ses heures. Mais il a deux grands défauts. J'ai été à même de le juger ainsi lors de la visite que je l'avais prié de me faire l'an dernier en lui envoyant un chèque de 2 000 $ pour les frais. Il manque d'abord absolument de patience et son humeur hargneuse est telle que jamais il n'a pu avoir d'amis. Il est incapable de supporter sans se mettre dans des colères folles la moindre contrariété ni la moindre contradiction. Il est heureux pour lui que son père lui ait laissé 1 000 $ de rente dont il a la sagesse de se contenter, car son exécrable caractère ne lui aurait certainement pas permis de gagner sa vie chez les autres. De plus, au point de vue idée, mon neveu n'est pas moderne pour un sou. C'est un tardigrade. Il en est resté aux trains qui font 20 000 à l'heure et aux bateaux qui filent 12 nœuds. Comme autre moyen de locomotion, il ne connaît que le cheval, monté ou attelé, se refuse énergiquement à connaître l'automobile et n'a même jamais voulu entendre parler de la bicyclette. Je soupçonne que ces inconcevables et peu intelligents préjugés lui ont été dictés par un caprice de son humeur entêtée transformé en parti pris. Quoi qu'il en soit, Jules Régnier est à présent l'unique rejeton de notre famille. Or, je ne veux pas que le nom des Régnier s'éteigne, ce qui arriverait inévitablement si mon neveu conserve son intraitable caractère, lequel l'empêchera toujours de trouver une épouse susceptible de s'accommoder de son humeur de dogue. Ici, maître Henriot ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil inquiet sur son client. Le teint de son patience était devenu violet et ses poings se crispaient convulsivement. Pourtant, il ne dit pas un mot. Le notaire continua donc. Pour que le nom des Régnier ne s'éteigne pas, ce à quoi je tiens essentiellement, il faut donc que Jules se marie. Et pour qu'il puisse se marier, il est indispensable qu'il change de caractère. C'est pourquoi je crois devoir lui imposer les conditions suivantes. Mon neveu sera mis en possession de ma fortune dans un délai de 6 mois, à dater du jour où les termes du présent testament lui auront été communiqués en personne par les soins de maître Henriot, notaire à Verdun, qui recevra en temps utile copie du dit testament. Dans ce délai, il devra se rendre en personne à Philadelphie, où maître Jonathan Redwards, mon homme de loi, lui remettra tous les titres le rendant possesseur de mon héritage. Mais, pour se rendre de Verdun à Philadelphie, il ne pourra se servir d'aucun navire. Je lui laisse toute latitude de choisir le véhicule qu'il voudra pour traverser l'Atlantique, à condition que ce ne soit pas un bateau qui aille sur l'eau. Toutefois, il pourra se servir d'un bateau pour traverser le détroit de Bering, ce qui revient à dire que je le laisse libre, pour effectuer ce voyage, de prendre l'itinéraire terrestre qui consiste à traverser l'Europe et l'Asie et à aborder l'Amérique par l'Alaska dans les environs du cercle polaire. Dans tous les cas, il ne devra pas mettre plus de 6 mois pour faire le voyage. De plus, dans ce même délai de 6 mois, mon neveu devra s'être fait un ami d'un homme qui, par sympathie sincère et véritable, tout moyen de violence ou de récompense écarté, consentira à effectuer avec lui le voyage quel qu'il soit. Si ces conditions ou l'une d'entre elles seulement sont inexécutées, ma fortune sera distribuée par part égale aux hôpitaux de Philadelphie et de Paris. Mon neveu est naturellement libre d'accepter ou de refuser mon héritage offert sous ces conditions. S'il est désireux de tenter l'épreuve, je m'en rapporte à sa loyauté, que je connais et en laquelle j'ai confiance, pour mettre à même maître Henriot et Redwards d'en contrôler la correction et la sincérité par des preuves indiscutables. En ce cas, une somme de 40 000 $ sera mise tout de suite à sa disposition pour les frais de son voyage, quel qu'il soit. Il devra naturellement fournir à qui de droit un détail rigoureux de l'emploi de cette somme. Fait à Philadelphie, le 15 avril 1912, signé Lucien Régnier. Maître Henriot replia soigneusement la feuille, la réintégra dans le pli qui prit place à son tour dans le dossier. Puis, faisant faire à son fauteuil un quart de conversion pour se trouver en face de son visiteur, il dit « Quels sont, monsieur, les termes du testament que j'étais chargé de vous communiquer ? Veuillez me faire connaître votre décision. » La tête de Jules Régnier était à peindre. Son visage était empourpré, les yeux lui sortaient de la tête et ses mains crispées serraient machinalement le vide. À la fin, il éclata. « Ma décision » hurla-t-il. « Ma décision ! Et que vous alliez tous au diable !» Il n'en dit pas davantage. Il se leva brusquement en repoussant son fauteuil qui bascula avec fracas, sauta sur la porte, l'ouvrit avec violence et la referma de même. Et maître Henriot l'entendit traverser comme un tourbillon le cabinet de son principal clerc et refermer sur lui la porte de la rue, qui claqua en faisant trembler la maison.